بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on commence maintenant notre cours numéro 21 dans l'explication du livre Sharh Usul al-Iman, l'explication des fondements de la foi du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab avec les explications du Cheikh Saleh al-Fawzan hafizahullah ta'ala. Donc on était en train d'expliquer le hadith, c'est le hadith numéro 28. À propos, yani, du fait que, yani, on a mentionné le hadith qui est rapporté par l'imam muslim, Tirmidhi et An-Nasa'i dans Sunan Al-Kubra, à propos d'une étoile filante qui était passée, alors que les sahabas étaient réunis dans une nuit, et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu cette étoile filante, il a demandé aux compagnons, qu'est-ce que vous disiez à ce sujet-là dans le passé, c'est-à-dire avant l'islam? Comment aviez-vous l'habitude d'interpréter ce genre de choses? Alors, ils ont dit que auparavant, c'est-à-dire avant l'islam, quand il y avait une étoile filante, ils disaient c'est un homme important qui est né ou un homme important qui est mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a clarifié que les étoiles qui descendent dans le ciel ou qui bougent dans le ciel, ce n'est pas à cause de la naissance ou de la mort de quiconque, hein, mais c'est plutôt l'explication qu'il a mentionnée, c'est le fait que les anges dans les cieux, ils s'échangent des informations, hein, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala leur donne des ordres. Donc les anges qui tiennent le trône, ils font passer le message aux anges qui sont en dessous, et ainsi de suite. Alors, à ce moment-là, les djinns, les shayatins, essaient de monter dans les cieux pour essayer d'écouter les informations qui sont échangées et de voler quelques informations, hein, que les anges sont en train de se transmettre entre eux. Alors, à ce moment-là, ils sont pourchassés par des étoiles filantes qui sont lancées contre eux pour les empêcher justement d'attraper des informations au vol. Et eux, avec les informations qu'ils réussissent à voler dans les yeux, ils vont voir les sorciers et les voyants avec qui ils travaillent et ils leur mélangent ces informations-là avec des centaines de mensonges. Et c'est comme ça que se transmettent les mensonges auprès de ces gens-là. Et le cheikh, il expliquait, on était rendu à l'endroit où il dit وَقَوْلُهُ وَلَكِنْ رَبُّنَا إِذَا قَضَى أَمْرًا سَبَّحَتْ حَمَلَتِ الْعَرْشِ يعني إِذَا قَضَى أَمْرًا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنَ الْأُمُورَ الَّتِي سَتَحْدُثْ فِي هَذَا الْكَوْنِ مِمَّا قَضَاهُ وَقَدَّرَهُ فإن الملائكة الذين يحملون العرش يعني يشرعون بالتسبيح وهذا فيه أن كل شيء يحدث في هذا الكون إنما هو بقضاء وقدر من الله سبحانه وتعالى فلا يكون في هذا الكون إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى وقضاه وأراده وقدره وفي هذا إثبات القدر. Donc le cheikh, il explique que lorsque notre Seigneur décrète quelque chose dans les cieux, les anges, hein, lorsqu'ils décrètent un commandement ou un ordre, les anges glorifient Allah. C'est-à-dire les anges qui portent le trône, ils glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a décrété un ordre ou un commandement, parmi les ordres qu'il commande à ses anges, eh bien, quand il y a quelque chose qui doit se produire sur la terre, ça veut dire que ça fait partie de ce que Allah subhanahu wa ta'ala a prédestiné et de ce qu'il a décrété. Et donc, les anges qui tiennent le trône glorifient Allah subhanahu wa ta'ala. Commencent à se mettre à glorifier Allah subhanahu wa ta'ala lorsque cet ordre est donné. Et donc, tout ce qui se produit dans la création, c'est par le décret d'Allah seulement. Il n'y a rien qui se produit dans l'univers, excepté que c'est par la volonté d'Allah et par le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que, par exemple, quand des choses qui se passent, comme qu'est-ce qu'on est en train de subir aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vit, les épidémies, hein, et des choses de ce genre, ça ne sort pas de la prédestination d'Allah. Ça rentre également, comme tout le reste, dans ce que Allah a prédestiné. Et je me souviens l'année passée, au début, lorsque la pandémie a commencé, certains disaient, oh, ça c'était à cause d'une erreur, ou bien à cause des gens qui ont laissé enfuir ce virus d'un laboratoire, ou bien d'autres qui disaient c'est un virus qui a été créé dans un laboratoire, et ainsi de suite. Hein? Et comme si ça, ça si c'était vrai, ou si c'était ce qu'ils prétendent, que c'était réellement créé dans un laboratoire, ou que ça avait été échappé d'un laboratoire, ce virus-là, il ne peut pas être créé excepté par la permission d'Allah. Et il ne peut pas s'échapper du laboratoire excepté par la permission d'Allah. Et si c'est arrivé de cette façon, c'est parce que c'est Allah qui l'avait prédestiné. Il l'avait su avant la création des cieux et de la terre. Il l'avait écrit dans Lawh al-Mahfouz, 50 000 ans avant la création des cieux et de la terre aussi. Donc, il n'y a rien qui peut se produire dans la création et dans l'univers, excepté que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu et qui l'a prédestiné. Et il y a dans ça, même si quelqu'un ne peut pas arriver à le connaître ou à le comprendre comme il faut, mais il y a toujours une sagesse derrière. Il y a toujours un bien derrière. Même si, en apparence, les gens ne comprennent pas la sagesse qu'il peut y avoir dans ça. Donc ça, c'est important de le comprendre. Donc il y a dans ça l'affirmation de Al-Qadar, c'est-à-dire la prédestination. Ensuite, le cheikh, il dit, وَقَوْلُهُ حَتَّى يُسَبِّحَ أَهْلُ السَّمَاءِ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ هَؤُلَاءِ الْمَلَائِكَةِ إِذَا سَمِعُوا كَلَامَ اللَّهِ فَإِنَّهُمْ يُسَبِّحُونَ لَهُ أَيْ يُنَزِّهُونَهُ جَلَّ وَعَلَا عن النقص والعيب فيشتغلون بالذكر. Donc le cheikh il dit, une fois que les anges, hein, qui tiennent le trône, entendent cet ordre d'Allah, ils glorifient Allah, jusqu'à ce que les anges qui sont dans les cieux, qui sont en dessous, glorifient Allah eux aussi. D'accord? Donc lorsqu'ils entendent la parole d'Allah, eh bien, ils se mettent eux aussi à glorifier Allah. Et at-tasbih, dans la langue arabe, ça veut dire quoi? Ça veut dire at-tanzih. Ça veut dire de purifier Allah, subhanahu wa ta'ala, de toute faiblesse ou de tout défaut. Donc, que Allah soit purifié, hein, que Allah soit exalté et purifié de tout défaut ou de toute faiblesse ou de toute défaillance. Hein, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Il n'a pas de défaut. Il n'a pas de faiblesse. Donc, en disant subhanallah, c'est pour mentionner justement la perfection d'Allah et pour qu'il soit exalté, hein, et purifié de toute défaillance ou imperfection ou défaut ou faiblesse. Donc, ils font du dhikr. Ils rappellent, hein, ils se rappellent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il dit « وَقَوْلُهُ حَتَّى يَبْلُوَ التَّسْبِيحِ أَهْلَ السَّمَاءِ الدُّنْيَا وَهَذَا فِيهِ أَنَ السَّمَاوَاتِ مَعْمُورَةِ بِالْمَلَائِكَةِ فَكُلُّ سَمَاءِ لَهَا مَلَائِكَةٌ خَاصُّونَ يَسْكُنُونَهَا وَهِيَ سَبْعُ سَمَاوَاتِ وَالْمَلَائِكَةُ هُمْ عُمَّارُ السَّمَاوَاتِ بِالْعِبَادَةِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَمِنْهُمْ حَمَلَةُ الْعَرْشِ. Donc le cheikh il dit, yani jusqu'à ce que les glorifications arrivent aux habitants des cieux de la dunya. Les habitants des cieux de la dunya. Donc le ciel de la dunya, c'est notre ciel à nous. C'est le plus bas des sept cieux. Et donc ça signifie que dans chacun des cieux, parmi les cieux qui sont superposés les uns par-dessus les autres, eh bien, il y a des habitants. Et ces habitants-là, ce sont les anges. Et il y a dans chaque ciel, dans chaque étage, des anges spécifiques et particuliers à ce ciel-là. Et ils sont donc les habitants des cieux et ils occupent leur temps à l'adoration d'Allah, à la glorification d'Allah, à l'unification d'Allah. Et parmi ces anges-là, il y a également ce qu'on appelle Hamalatul Arsh, c'est-à-dire les anges qui sont chargés de tenir le trône ou de supporter le trône. Et bien entendu, yani le cheikh il dit ensuite فقوله فيقول الذين يلون حملة العرش ماذا قال ربكم وهذا فيه إثبات وجود حملة العرش وهم أربعة ملائكة ولا يعلم عظم خلقتهم إلا الله سبحانه وتعالى ثم إنه يوم القيامة عند قيام الساعة يضاعف عددهم فيكونون ثمانية قال تعالى ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يعني زاد عددهم الضعف للهول الذي يحصل. Donc il dit le cheikh que Allah subhanahu wa ta'ala quand il parle, les anges qui supportent le trône, ils glorifient Allah. Et les anges qui sont en dessous, ils demandent aux anges qui tiennent le trône, « Qu'a dit votre Seigneur ?» Et le cheikh, il dit qu'il y a dans ça l'affirmation de l'existence des anges qui tiennent le trône. Et ils sont quatre. C'est-à-dire qu'il y a quatre anges qui tiennent le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et personne ne peut imaginer à quel point ils sont immenses. Et la grandeur de ces anges, personne ne la connaît réellement excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Puis, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va doubler leur nombre. Alors, ils seront à ce jour-là 8 au lieu d'être 4 à cause de la grandeur et de la gravité de ce jour. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 17 dans Surat Al-Haqqa, وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَ Et ils porteront le trône de ton Seigneur au-dessus d'eux ce jour-là, 8. Ils seront 8 anges au lieu de 4. Et donc, il faut comprendre que, contrairement à ce que certaines personnes imaginent, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'a pas besoin du trône. Et ce n'est pas le trône qui supporte Allah. Et ce n'est pas les anges qui supportent Allah. Parce que c'est Allah subhanahu wa ta'ala, au contraire, qui supporte le trône et qui supporte les anges. Et qui supporte toute la création. Donc il ne faut pas s'imaginer que parce qu'on dit que Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de son trône, comme il le mentionne lui-même dans le Coran, Ar-Rahmanu ala al-Arsh istawa, thumma istawa ala al-Arsh, le très miséricordieux s'est élevé sur le trône. Ça c'est notre croyance, c'est la croyance qui est établie par le Coran et c'est la vérité. Allah est au-dessus de son trône. Mais il ne faut pas imaginer ou croire que Allah subhanahu wa ta'ala a besoin de ce trône-là ou que le trône lui-même supporte Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'ala Allahu an dhalika 'uluwan kabira. Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas supporté par son trône et il n'a pas besoin de son trône. Au contraire, c'est le trône qui a besoin d'Allah et c'est Allah qui supporte le trône de la même manière qu'il supporte les cieux et la terre et tout ce qu'il y a dessus et dedans et entre les deux, entre les cieux et la terre. Donc, il faut comprendre ce point-là parce que c'est important. Et lorsqu'on affirme que Allah est au-dessus de son trône, c'est d'une manière qui convient à sa perfection, à sa grandeur et à sa majesté. Laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'u al-basir. Il n'y a rien qui lui ressemble et il est l'audient et le voyant. Donc ça c'est important de le comprendre. Et ensuite le cheikh il dit wa qawluhu fayastakhbiru ahlu as-samawati ba'dahum ba'da yas'alu ba'dahum ba'dan ma alladhi qadahu Allah ma alladhi qalahu jalla wa ala. Les habitants des cieux, un ciel en dessous des autres, ils se demandent les uns aux autres, qu'a dit votre Seigneur? Qu'a décrété votre Seigneur? قوله حتى يبلغ الخبر أهل السماء الدنيا. السماء الدنيا هي التي تلي الأرض. فحينئذ يتكلمون. فإن الشياطين تستسرق السمع فترتفع في العنان فيركب بعضهم بعضا حتى يصلوا إلى الجو قرب السماء ليستمعوا ماذا تقول الملائكة. Donc, jusqu'à ce que l'information arrive aux habitants des cieux de cette vie, de ce bas monde, c'est-à-dire de la terre. Parce que Sama ad-Dunya, le ciel de la Dunya, c'est le ciel qui est hein, au niveau de la terre, ici. C'est-à-dire le ciel que nous, on voit à partir de la terre. C'est ça, Sama ad-Dunya. Qu'est-ce qu'on voit la nuit? Les étoiles. Hein? Et le ciel, ça c'est Sama ad-Dunya, c'est le plus bas des cieux. Parce que Dunya, ça veut dire plus proche. Dunya, min dana, yadunu, ça veut dire d'être rapproché, de se rapprocher. Donc ad-Dunya, c'est parce qu'elle est proche, parce qu'elle est basse hein, par rapport aux autres. Donc, ils entendent l'information qui vient des anges des étages supérieurs. Et les shayatins, ils se mettent les uns par-dessus les autres jusqu'à ce qu'ils arrivent dans les cieux pour essayer d'entendre quelque chose de ce qui est dit par les anges, hein, pour essayer de voler quelques informations, pour profiter de ces informations-là, pour essayer de, justement, informer les sorciers et les charlatans, les médiums et les diseurs de bonne aventure. Donc le cheikh il dit ensuite قوله فتخطف الجن السمع فيلقونه الى اوليائهم فهؤلاء الجن يحاولون استراق السمع فيرمون بالشهب فيرمون بالشهب ولا يدركون او لا يدركون ما ارادوا الا في بعض الاحيان فقد يخطف الشيطان كلمة من كلام الملائكة ثم يلقيها إلى وليه من بني آدم من الكهنة لأن هؤلاء الكهان يأخذون عن الشياطين. قال تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون فإذا حصل الشيطان على هذه الكلمة ألقاها إلى الكاهن من بني آدم ثم الكاهن يكذب معها مئة كذبة ويحدث بها فيصدقه الناس في كل ما قال من الكذب بسبب الكلمة التي سمعها الشيطان من كلام الملائكة. Donc le cheikh il dit, le djinn il essaie donc de voler l'information de ce qu'ils entendent et il l'envoie à son allié parmi les êtres humains, celui avec qui il travaille, parmi les shayatin al-ins, parmi les êtres humains, que ce soit le sorcier, ou le médium, ou le voyant, al-kuhan, ou al-sahara, et donc il leur donne cette petite information qu'ils réussissent à voler. Il dit, parfois ils arrivent même pas à entendre rien du tout, parce qu'ils sont frappés par des étoiles filantes, mais parfois, ils arrivent à attraper ou à entendre un mot que les anges ont dit, alors ils s'enfuient rapidement et ils vont le transmettre aux sorciers ou aux voyants. Et qu'est-ce qu'ils font? Yani, ils mélangent cette parole avec une centaine de mensonges. Alors les gens, ils vont croire hein, qu'est-ce que ce médium-là a dit à cause de cette parole qui est vraie. Ils vont croire en tout le reste de qu'est-ce qui est un mensonge, de qu'est-ce qu'il a mentionné. Et le cheikh, il a cité dans Surat al-Shu'ara, justement, les gens sur qui les diables ils descendent. Hein, et il mentionne que ce sont justement sur yani, les pécheurs et les menteurs. Donc, je vais vous citer le verset, c'est dans Surat al-Shu'ara, le verset 221. À 223. Donc, le cheikh, il cite donc ces versets-là qui dit « Est-ce que je vais, voulez-vous que je vous informe ou que je vous apprenne sur qui les diables descendent? Ils descendent sur tout calomniateur pécheur. Ils tendent l'oreille, cependant la plupart d'entre eux sont des menteurs. Hein? Donc ça c'est la réalité de ces gens-là, c'est les diables qui travaillent avec eux. Alors qu'il y a beaucoup de marabouts et des gens qui prétendent connaître le Reib. Et eux, ils prétendent qu'ils travaillent avec les anges. Hein? Ils disent, c'est les anges qui viennent nous donner les informations. Alors qu'en réalité, ce n'est pas les anges, c'est les diables. Donc ces gens-là, ces marabouts-là, ce n'est pas des gens qui travaillent pour Allah et qui font un acte de bien. En réalité, ce sont des marabouts qui travaillent avec le shaitan, ne sont pas des hommes pieux. Ce ne sont pas des awliyas. Ce ne sont pas des hommes qui sont saints. Au contraire, ce sont des diables. Mais ils font croire aux gens qu'ils sont dans l'islam et qu'ils aiment l'islam et qu'ils sont dans le bien. Alors qu'en réalité, non, ce sont des diables. En réalité. Et Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Furqan, Baina Awliya al-Rahman wa Awliya al-Shaytan, justement pour distinguer entre ces gens-là et les gens qui sont réellement des alliés d'Allah. Et il a expliqué clairement la différence entre les deux avec les preuves dans le Coran et dans la Sunna et les paroles des ulama et des salafs. Le Cheikh il dit ensuite Wa qawluhu. فما جاءوا به على وجهه فهو الحق يعني يصدق في كلمة واحدة وهي التي سمعتها الشياطين ثم قال ولكنهم يقرفون ويزيدون أي ولكن الكهنة يزيدون على الكلام الذي يسمعونه كما جاء في الحديث أنه يكذب مع الكلمة الواحدة 100 كذبة فيحدث بها الناس فيصدقونه في كل ما قال بسبب كلمة واحدة ويقبلون منه 99 من الكذب ولهذا قال تعالى يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين للصحابة ولغيرهم من المسلمين إلى أن تقوم الساعة سبب رمي الشهب وأنه ليس كما تقول الجاهلية وإنما كان الموت لموت إنما كان لموت عظيم أو لولادة عظيم وإنما كان ذلك بسبب محاولة اختراق الشياطين للسمع وأنهم يرمون بهذه الشهب هذا ما يدل عليه هذا الحديث وفي الحديث أيضا إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى فوق مخلوقاته على العرش وفيه أن السماوات معمورة بالملائكة كل سماء مملوءة بالعمار من الملائكة الذين يعبدون الله عز وجل ويمتثلون ما يأمرهم به وفيه إثبات القضاء والقدر وفيه تفسير للآية الكريمة حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير كما يأتي هذا في حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه التالي donc on va terminer avec ça. Le cheikh il explique donc que ils viennent avec cette parole qu'ils ont réussi à voler de la part des anges. Et les gens, ils croient en cette parole de vérité-là, qu'ils ont entendue de la part des shayatines, mais les sorciers, les médiums et les voyants, ils rajoutent à cette parole une centaine de mensonges. Hein? Et ils disent ça aux gens. Donc, quand les gens entendent la vérité, eh bien, à cause de cette vérité-là, ils acceptent tout le reste qui est un mensonge en réalité. Donc, pour une vérité, ils acceptent 99 mensonges. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le verset 223 dans Surat al-Shu'ara, ils prêtent l'oreille, mais la plupart d'entre eux sont des menteurs. Et le messager, sallallahu alayhi wa sallam, il a expliqué aux sahaba et aux autres parmi les musulmans également, jusqu'au jour de la résurrection, la cause donc pour laquelle les étoiles filantes sont lancées. Et il explique donc que, contrairement à ce que les gens dans la Jahiliya pouvaient croire, que c'était à cause de la naissance de quelqu'un d'important ou la mort de quelqu'un d'important, que ce n'était pas à cause de ça, mais plutôt à cause des diables qui essaient d'écouter ce qui est dit dans les cieux entre les anges. Et donc, à ce moment-là, ils se font chasser par des étoiles filantes qui sont lancées contre eux, ou bien des astéroïdes, ou des choses de ce genre. Hein? Et ça, c'est la preuve, hein, établie par ce hadith-là à ce sujet. Et il y a également dans ce hadith l'affirmation que Allah Azzawajal, il est élevé au-dessus de sa création et qu'il est au-dessus de son trône. Et également, il y a la preuve que les cieux sont habités. C'est-à-dire que il faut pas s'imaginer ou croire comme les kuffars, hein, ils croient pas en le ghaib, donc ils ne connaissent pas l'invisible et ils ne savent pas donc que les cieux sont habités par des anges. Et donc il n'y a pas un espace dans le ciel qui est vide en réalité, même si les gens on appelle l'espace, on dit ça c'est l'espace. Il faut pas s'imaginer que l'espace c'est un endroit vide où il n'y a rien. L'espace, il est rempli d'anges. Même qu'il y a un exemple qui est mentionné dans le hadith du prophète, il dit qu'il n'y a pas l'espace de 4 doigts, excepté qu'il y a un ange qui se prosterne, hein, dans les cieux. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'espace vide en réalité. Tout est rempli. Et même les koufars, ils disent aujourd'hui, les soi-disant les scientifiques, ils disent la matière noire qui compose l'univers, il dit la grande majorité de cet espace-là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Et jusqu'à maintenant, ils sont en train de faire des études et des recherches pour essayer de savoir ou de comprendre de quoi se compose la plus grande partie de l'univers. Et jusqu'à maintenant, ils ne savent pas. Ils appellent ça la matière, hein, la matière noire ou bien la matière, non, pas l'antimatière. L'antimatière, c'est autre chose. Ça, c'est la matière invisible, la matière inexistante, qu'ils ne peuvent pas définir ou décrire. Hein. J'ai lu beaucoup d'articles sur ce sujet-là parce que j'étais très curieux de comprendre ou d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il recherche exactement là-dedans. Et yani, c'est un sujet vraiment intéressant et passionnant. Parce qu'ils disent en fait que si l'univers tel que eux ils l'imaginent, qui est le résultat, selon ce qu'ils expliquent, le résultat d'une explosion, hein, qu'ils appellent le Big Bang, ça veut dire qu'à ce moment-là, l'univers entier devrait être la nuit éclairé. Il ne devrait pas y avoir de noir. Alors ils disent, comment ça se fait que le ciel est noir? Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas expliquer ça non plus. Hein? Et donc ils disent, qu'est-ce qui compose l'espace? Ils disent, on ne sait pas c'est quoi cette matière-là. Hein? Non, donc, pour revenir au sujet et pour terminer le cours d'aujourd'hui, parce qu'il reste 2 minutes. Donc, on croit que les cieux sont remplis, il n'y a pas d'espace vide et les anges habitent les cieux. Et ils adorent Allah Azzawajal et ils mettent ses ordres en application. Il y a également dans ce hadith-là l'affirmation de Al-Qadha ou Al-Qadar, le décret et la prédestination d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a également l'explication du verset 23 dans sourate Saba, qu'on va expliquer dans le cours précédent, dans le cours suivant, inshallah, la semaine prochaine, avec le hadith de An-Nawas ibn Sam'an. On va expliquer ce hadith-là, hatta idha fuzi'a an qulubihim, jusqu'à ce que la crainte s'éloigne de leur cœur. À ce moment-là, ils disent, qu'est-ce que votre Seigneur a dit? Madha qala rabbukum? Qalu al-haq. Donc, on va expliquer ce hadith-là. Et on va clarifier les détails là-dessus, bi'idhnillah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.